On peut le dire. Et il n'est pas excessif de le dire. C'est excessif, c'est non, bien évidemment, parce que c'est la réalité. Réaliste, oui, bien évidemment. J'espère avoir ouvert les yeux à mes concitoyens. Oui, il faut craindre, beaucoup craindre, de l'oligarchie franc-maçonne criminelle qui a commis un coup d'État silencieux en France et l'a exporté dans d'autres pays, dont la principauté de Monaco et dans certains pays du continent africain. Afrique Média, le monde, c'est nous.